mouche rouge, t'as pas les yeux charbon noir, t'as pas les ongles peintes naturels. Ton palais c'est ta chambre, mon Noël c'est décembre, quand les nuits sont longues et qu'on habite au ciel. Ma petite fille de rêve, même si tu veux pas, je t'enlève. Je prendrai tes dentelles, ton ventre d'hirondelle, que je caresserai jusqu'au matin. Quand je ferai fortune, je te paierai la lune, mais même toutes les étoiles du ciel. Ma petite fille de rêve, même si tu veux pas, je t'enlève. Je n'ai rien à te donner, mais je peux tout inventer. Je pourrais même te faire un enfant. Je suis un saltimbanque qui se moque des banques. Ma richesse, c'est mes chansons et c'est toi. Ma petite fille de rêve, même si tu le pars, je t'enlève. Rouge, t'as pas les yeux charbon noir, t'as pas les ongles peintes naturels. Ton palais c'est ta chambre, mon Noël c'est décembre, quand les nuits sont longues et qu'on habite.